MEV dans vos oreilles. Semaine 22. 9 novembre 2019. C'était pas le 9 novembre la chute du mur de Berlin. Donc c'était il y a 30 ans. Bon anniversaire la chute du mur. On est toujours à Fukuoka. Et nous sommes... On fait un petit tour dans un sanctuaire Shinto qui est ouvert à tout le monde en plein milieu de la ville. Et ensuite on ira voir un temple bouddhiste qui est à côté de notre guest house et ensuite on prend le train direction Hirado. C'est une petite île pas très très loin sur la mer du Japon quoi. On va se prendre deux petits jours au calme, enfin on espère que ce sera au calme, on verra. Je sais pas si ça serait calme, mais ça a l'air mignon donc... Apparemment c'est un petit village de pêcheurs assez traditionnel. Voilà, avant d'aller après à Nagasaki. Nagasaki. Il va y rester 5 nuits. Heureusement qu'on voyage tranquille et qu'on visite pas 8 choses par jour, donc on est plutôt du genre prendre notre temps, se poser, prendre notre petit déjeuner, aller visiter un truc et puis revenir. Et puis voilà, c'est un peu notre philosophie de vie quoi. Bah, on essaie de pas presque comme si on vivait dans le pays quoi en question. Ouais, c'est exactement comme ça qu'on aime faire ça. Et d'ailleurs, on a postulé pour on raconte ou pas qu'on a postulé pour garder un petit chaton. Ah oui, pour garder un petit chaton à Tokyo. Ouais, on verra si ça marche. Alors certes, c'est 3 semaines à Tokyo. Sachi, elle nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire 3 semaines à Tokyo? Pourquoi? À la base, on voulait pas du tout rester aussi longtemps à Tokyo parce qu'on sait que ça ne sera peut-être pas notre truc. Mais comme on a envie de vivre un peu comme des locaux, on se dit qu'au pire, on n'ira pas faire des trucs touristiques et puis qu'on, tu vois, on fera des trucs tranquilles, quoi. Enfin, exactement. On profitera de la vie. Et puis, mine de rien, ça veut dire 3 semaines, on est logé... quasiment gratos quoi. Oui, parce que du coup le concept c'est tu acceptes de garder une maison du coup et un, du coup en l'occurrence là c'est un chat, tu t'en occupes, tu lui fais des papouilles, tu lui donnes à manger, tout ça, tu arroses les plantes, tu gardes la maison propre pendant que les propriétaires sont absents et du coup tu es logé gratuitement. Ce qui est quand même une énorme économie parce que Tokyo ça coûte très très très très très très cher. Donc si on arrive à être sélectionné, ce serait quand même pas mal pour notre budget. Et en plus, moi, je suis plutôt contente d'aller papouiller un petit chat, là. Ton chat te manque? Bah, le mien, je sais pas, parce que bon, mon chat n'étant pas quand même la douceur et l'amour incarné, je ne sais pas. Mais un petit chaton, là, j'aime les chats. Et au Japon, ils aiment les chats aussi. On vient d'entendre le tambour du prêtre Shinto. Là, il y a un petit... Qu'est-ce que ça pourrait être? Un mandarinier? On dirait un mandarinier, ouais. En tout cas, un arbre à agrumes. De petits agrumes. Bien fourni d'agrumes. Et entouré de petites prières nouées. Petites prières en papier qui sont nouées sur les branches, autour. Il y en avait sur les branches. Ah, ouais, c'est... Parce que les gens les ont mal mis parce que je pense que c'est pas fait pour être sur les branches. Mais... Sûrement que ça doit avoir un symbole shintoïste, mais je n'ai pas. Au moins c'est plus léger que les cadenas. Petite prière en papier. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais il y a énormément de quoi acheter justement ces petites prières, donc c'est soit sous forme de petits papiers qu'ils accrochent en effet, soit c'est des petites plaques en bois qui sont en général avec le symbole de la ville. Donc par exemple à Nara, c'était une petite tête de daim qui avait de dessiné dessus. À Hiroshima, c'était la carpe. Enfin, selon l'endroit où tu es. Et ensuite, tu peux le faire. Tu peux faire écrire par un calligraphe, un moine calligraphe, je sais pas trop exactement, mais une prière dessus, et il les accroche du coup autour des temples, sur des espèces de petits présentoirs. Donc, c'est assez joli visuellement comme truc. Et de ce que j'ai compris, régulièrement, ils les font brûler lors de cérémonies pour que du coup, quand c'est brûlé, c'est ton vœu est exaucé. Et on n'a pas parlé de... Quand on était sur le mont Misen, à Miyajima, on a vu des petites prières sous forme d'encens qui, quand elles se consumaient... C'était beau. Laissaient apparaître la prière, justement. Tu avais en effet un bâton d'encens assez classique, tout noir, qui laissait rien transparaître quand tu ne le savais pas. Mais une fois qu'il était en train d'être consumé, du coup, tu voyais écrit les trucs, donc c'était assez joli. Et du coup, quand il avait fini d'être consumé, dans l'espèce de bac où il recueille tous les encens qui sont brûlés, ça faisait joli, quoi. Enfin, ça faisait des petits morceaux de cendres agglutinées avec des petits caractères japonais, du coup. Et c'est de la magie. Et là, on est devant quelque chose qu'il va falloir aller voir ce qui est marqué dessus, parce que c'est une... On dirait comme un char de festival qui est immense, de faire, je sais pas, 10-15 mètres de haut. Avec des statues de dragons, c'est très coloré. Des petits gens aussi. Des petits gens, des pagodes, de la mer. On va aller lire ça. On va vous dire. Alors, y a un truc qu'on ne sait pas trop déchiffrer encore, c'est qu'aussi autour des temples et des monastères, il y a des énormes trucs cylindriques. Enfin, énormes, non, pas énormes, mais genre, je sais pas, 50 cm de haut et à peu près 50 cm de diamètre, peints, enfin, avec des caractères dessus et des petits symboles et des petits dessins et tout. Et on ne sait pas si c'est genre du riz qui est donné en offrande ou si c'est autre chose. Ça a l'air d'être assez gros et assez... Enfin, il a l'air d'avoir un truc dedans, c'est pas des lanternes, quoi. Non. Mais on ne sait pas trop ce que c'est. Non. Donc c'est bien un char destiné à un festival qui... Se tient du 1er au 15 juillet. Et qui est en rapport avec une vague de peste. Du 13e siècle. Ouais. Ils auraient réussi à endiguer ça de façon un petit peu surnaturelle, mystique. Mmh. Et c'est avec plein de créateurs différents de la ville, des créateurs de marionnettes traditionnelles. Et ça fait bien 10 mètres de haut. Je t'ai fait attaquer par une feuille. Ouais, en fait, c'est plusieurs chars qui se baladent dans la ville pendant le festival et qui ensuite, à la fin du festival, sont montés ensemble pour en faire une énorme sculpture, installation, je ne sais pas quoi, et qui du coup est exposée tout au long de l'année. On n'a pas dit, mais c'est le sanctuaire Kushida. Il y a le Manneken Peace dans le sanctuaire Shinto. Bubi sur une petite mare avec plein de petits poissons rouges. On est le 10 novembre 2019. Nous sommes à Hirado. Après avoir déambulé dans un cimetière bouddhiste, nous sommes devant la tombe d'un lord. qui a régné au XVIIe siècle sur Erado? Un seigneur féodal, en fait. Il s'appelle Lord ou quelque chose, mais c'est un seigneur féodal. C'est un seigneur. Oui, bah Lord, c'est... C'est un seigneur. Voilà. C'est sûrement pas comme ça que ça se dit en japonais. Et c'est plutôt... Je veux dire tranquille comme endroit. On peut pas dire qu'on soit dérangé par les touristes, enfin par le monde en général. Non. Mais... Il y a une grosse forêt de bambous. Bien sûr, on dit que c'est calme, et puis là, il y a des gens qui viennent. En tout cas, ici, il y avait énormément de commerce avec les Anglais, les Néerlandais et les Chinois notamment, ce qui a fait la prospérité de la ville, du coup, sous le règne du seigneur machin biouche là. Takanobu. Donc oui, il y a une grande église. Il y a une grande église à Hirado. Et il y a aussi un château à Hirado. Un château qui a l'air joli, parce qu'il est un peu à flanc de presque de falaise. Mais qui est entièrement en restauration. Entièrement recouvert de bâches et de filets. D'échafaudage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Bon, on n'est pas venu pour ça, mais... On les attire. Et puis, on a vu de belles araignées. Hein. Il y a plein de belles araignées ici. Trop. On va aller voir l'église maintenant. Ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré dans une église. Il me semble que c'est catholique. Ok. Bah, allons voir ça. C'est joli, les cimetières bouddhistes. Ouais, c'est... Enfin, en tout cas, ceux-là, ceux qu'on vient de voir, sont pas très très différents d'un cimetière classique, quoi. On a vu plus joli un cimetière quand même. Ah bah ceux en Asie centrale, c'était beau. Notamment sur l'Asie centrale, mais même ceux qu'on a vus à Kyoto, c'était juste des stèles. Sinon on était bien tranquille aussi dans notre guest house. Bon. Enfin, non, pas vraiment. Disons que depuis qu'on s'est levé pour petit déjeuner, on était bien tranquille. On travaillait toute la matinée, on est les seuls. Le propriétaire n'était pas là, il n'est pas encore arrivé. Donc vraiment on avait la maison pour nous tout seuls. Mais en revanche, cette nuit, on a eu un colocataire, enfin, pas vraiment dans notre chambre puisqu'on avait une chambre un peu séparée, mais qui, à partir de 6h du matin, a eu des petits problèmes de santé. C'est-à-dire de tout grasse et intempestif. C'était ignoble. Vraiment, il nous a réveillé par des bruits de bouche et de nez et de trucs bien, bien gras, là. Enfin, je vous laisse imaginer, hein. Bah, c'était pas très agréable. Puis tu crois qu'il serait descendu, enfin tu vois qu'il... Non, il restait... À un moment donné, il est descendu et après il est reparti, quoi. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Sur les recommandations de notre hôte, hier soir, on est allé manger dans un petit restaurant de tempura. Alors, moi, je suis pas très fan des tempura, mais a priori, en végétarien, en option végétarienne possible, il y avait pas grand-chose d'autre sur l'île, donc... Du coup, on est allé là. Et c'était très très très très très bon. Et notre hôte a été gentil, nous a écrit en japonais sur un petit papier qu'on était végétarien, en expliquant pour qu'on puisse donner au restaurant, parce qu'en effet le monsieur parlait pas anglais, et il y avait une dame qui parlait anglais, une cliente à ce moment-là. Il lui a demandé de l'aide pour qu'on se fasse comprendre, savoir ce qu'on avait le droit de manger, ouais. Envie de manger, ça. Finalement c'était plus simple que le petit mot. Oui, parce qu'apparemment c'était pas assez clair, oui. Végétarien. Non, c'était délicieux. Les tempura étaient vraiment avec une panure hyper hyper fine. Pas du tout grasse et tout, c'était très très bon. Et on n'a pas dit, on a nos billets pour les studios Ghibli. Parce qu'on a appris qu'on ne disait pas Ghibli, mais Ghibli. Voilà. Quand on en a parlé à Sachi, elle ne comprenait pas. Et oui, après 20 minutes de rafraîchissement intempestif de la page pour acheter les billets, c'est bon. Pour le jour de Noël. Eh oui. Voilà. J'espère que c'est sur billets, tu vois, acheter à l'avance, hyper galère et tout ça, notamment pour éviter que t'aies un monde incroyable et que tu puisses pas circuler. Enfin, j'espère qu'ils ont bien fait le truc. Parce que sinon, c'est un peu dommage de galérer autant et de se retrouver avec 8 millions de personnes. Après, il paraît que c'est chouette à faire. Hein. Donc, Oui, non mais bon, tu sais, moi et le monde et moi, tout ça... Et sinon, l'église là qu'on va visiter, qui est donc une Catholic Church, Elle a été construite qu'en 1931, en fait. C'est très récent. J'ai envie de dire, ça se voit un peu. Oui. C'est vrai qu'esthétiquement... Moi, je la trouve pas belle. Hein. Alors, on peut pas dire que ce soit pas beau. Bah, moi, personnellement, je la trouve pas belle. Mais c'est juste que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que bah, déjà, les murs sont du crépi. J'ai l'impression. Ah bah oui, c'est pas de la pierre de taille. Voilà. Bah, ça pourrait, ils ont plein de pierres, quoi. Enfin, tu vois. Et il n'y a pas de... Enfin, c'est pas le toit est en crépi, enfin, c'est juste... La couleur est moche. Mais lui, il râle beaucoup, quand même. Hein. Ouais, c'est un espèce de vert... Vert pas très très... Ouais. C'est du kaki un peu pâle, quoi. Non, mais ça a un nom, ça. C'est un... Ah bah, sûrement, oui. Non, mais... Toutes les couleurs ont un nom. Ah. Sont tombés. Donc oui, c'est pas incroyablement joli, mais en revanche, la photo qu'on a prise est le point de vue qui est le plus joli. Mais que le monde entier prend, hein, parce que si après, tu tapes Hirado sur Google, c'est le truc que tu vois. Okay. Donc, c'est un point de vue où tu vois des temples bouddhistes avec l'église au-dessus. C'est très joli. Oui. Il faut le dire. Ça va. Il faut le dire. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je crois, donc là, l'église, elle est très récente. Et le temps pacifique entre tous ces petits gens-là, je pense que c'est assez récent, en fait. À mon avis, il y a peut-être eu des petits problèmes avant. Genre plutôt au 15e siècle. Enfin, 16e siècle. Il me semblait, dans mes souvenirs, c'est pas un truc comme ça. Voilà, on est rentré dans l'église. C'est une église, somme toute, assez classique. Pas... Voilà, assez sobre, mais... Elle est très sobre. Bon, voilà, moi, ça m'excite pas trop, les intérieurs des... Bah, c'est un peu comme après les églises orthodoxes, c'est-à-dire qu'on en avait un petit peu, jusque là. Non mais alors en plus c'est que... très sombre une église orthodoxe, donc moi je trouvais ça très pesant comme ambiance, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... voilà, moi j'aime bien les voir de l'extérieur. Bon voilà, bon, rien de... Mais en revanche, ce que je ne savais pas, ce que je n'avais pas vu quand on était dans le train, c'est que tu me disais qu'il y avait énormément d'églises, parce que là en fait l'église a l'air clairement en fonctionnement. Oui. Et tu me dis que sur le trajet, il y avait beaucoup, beaucoup d'églises. Voilà, parce qu'on a pris un petit train entre Sasebo et Hirado. Enfin, c'est même pas Hirado, c'est quelque chose, Hiradoguchi, puisque c'est du coup le pont qu'il y a en face. Ah oui, oui, d'accord, pardon. On est arrivé, oui. Et d'ailleurs, je me suis pris un rétroviseur d'une voiture qui m'a pas vu. Putain, c'est clair. Au bord de la route. Là, j'étais dans le trottoir, enfin, Oui, enfin, dans ta place, quoi, à ta place. Je débordais pas. J'ai entendu un bruit, son téléphone qui est tombé par terre, j'ai eu un peu peur, quoi. Bah, il y a eu deux bruits, hein. Il y a eu le bruit de... De ton coude contre le rétroviseur. Ouais, ça va que les rétros, ça se rétracte, quoi, mais... Et le mec s'est même pas arrêté, quoi. Ouais, je pense qu'il avait entendu un bruit, s'est un peu arrêté, puis... Enfin, je pensais qu'il allait s'arrêter, parce qu'il y avait de quoi s'arrêter un peu plus loin, donc on allait au moins s'excuser, quoi. Que dalle. Bah, on vérifie que tu vas bien, enfin tu vois. Oui, Alors après, il avait un petit macaron handicapé, donc peut-être que c'est une personne handicapée qui n'a pas vu qu'elle avait fait ça. Mais du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un peu dangereux, quoi. Voilà. Bon, bref. Tu sais pas, tu n'as pas de blessure apparente. Non, c'est sûr. Mais c'est un peu flippant, quoi. Parce que... Mais ouais, c'était pas très rassurant. Bah, en fait, on marche rarement le long de la route la nuit quand même. Enfin, c'était pas la route, hein, il y avait un. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est une route de ville avec un trottoir, quoi. Mais on le fait rarement parce que justement, déjà, c'est pas très agréable d'arriver dans un nouveau lieu que tu connais pas la nuit et tout. Enfin, c'est toujours un peu plus stressant. Oui, d'arriver la nuit dans un endroit qu'on connaît pas, c'est un peu plus difficile pour se repérer et tout ça. Donc. Parce que là, on arrivait à la gare, il fallait voir où est-ce qu'il fallait prendre le bus pour arriver à notre hostel. Enfin, notre guest house, sachant que bon, c'est enfin en vrai, les bus japonais, mais comme les trains et tout ça, ou les trams et tout, c'est hyper bien fait si tu es japonais et que tu comprends, quoi. Parce que du coup, notamment le système de prix, c'est assez bien foutu quand même. Tu as des numéros d'arrêt en fait, et en fonction de l'arrêt dans lequel tu montes et l'arrêt dans lequel tu sors, tu as un prix à payer qui est proportionnel, quoi. Mais sauf que si tu connais pas ton numéro d'arrêt. Enfin, tu sais pas où est-ce qu'il faut s'arrêter, il n'y a pas de plan et tout. Enfin, donc je pense que si en effet tu connais pas bien la ville, c'est pas très pratique, ouais, quoi. J'ai montré le nom de l'arrêt qui était sur la carte au chauffeur de bus, il m'a dit là stop. Après on a fait n'importe quoi, on a payé ce qu'il fallait pas payer parce qu'on avait oublié de prendre un ticket quand on est rentré dans le bus parce qu'on n'a pas compris. Enfin, bon, Enfin, on a compris qu'il fallait faire un truc. Ouais. Oui. Mais on a vu le petit symbole de notre carte de transport, on s'est dit qu'on pouvait la passer. Et en fait, ça ne marchait pas. Ça a tout fait planter la machine. On n'a pas pu prendre le petit ticket qui disait dans quelle arrêt tu étais monté. Parce que sinon, tu déposes à côté du chauffeur quand tu descends. Tu déposes ton ticket, l'argent, il faut avoir la pointe. Mais, je continue, je termine ma phrase après, je vous explique. Tu mets tout dedans, ça calcule avec un espèce de, je pense, de système de poids. Parce qu'il y a un tapis roulant qui fait rentrer le truc. Enfin, c'est assez technique, hein, quand même. Bref. Mais il faut avoir la pointe, sauf que, truc hyper bien fait, c'est que tu as la possibilité de mettre un billet de 1000 yens, et ça te rend la monnaie, pas que juste des pièces qui ne sont pas pratiques, de toutes les petites pièces différentes, pour que justement tu puisses mettre la pointe exactement. Enfin, c'est quand même incroyable. Toi, en France, quand tu as besoin de payer ton ticket de bus, t'as le droit à la limite de pas avoir la pointe si t'as juste 5 euros, quoi. Mais alors, va lui donner 20 euros ou 50 euros, je pense qu'il va te dire « Ah ben là, nana !» Voilà, c'était tout. Je trouve ça fou. Tu commences à faire comme moi, tu compares avec la France et tu grognes. Non, mais en fait, ils ont un souci de la praticité et du détail que je trouve incroyable. Enfin, vraiment. Oui. Tout est hyper bien pensé, pour simplifier la vie, que ce soit fluide, parce que, en effet, ils ont peut-être aussi des petits espaces, beaucoup de gens. Enfin, là, c'est pas le cas à Irado, mais je pense que dans les plus grandes villes, c'est un peu le cas. Donc, faut que ça aille vite, faut que ce soit, tu vois, facile et tout. Je trouve ça fou. Hier, quand on a pris le train de Fukuoka pour aller jusqu'à Sasebo et après Irado, une fois qu'on avait acheté nos billets, on est sorti du coup dans l'endroit où on achète nos billets, quoi. Et on cherchait un peu, ça faisait pas 10 minutes qu'on cherchait, mais on cherchait juste où est-ce qu'il fallait qu'on aille pour aller rejoindre notre quai. Ça faisait 5 secondes. Et là, bam, il y a quelqu'un qui nous a sauté dessus, alors qu'il devait travailler pour la gare, c'était pas quelqu'un... Il avait un badge. Pour nous dire en quoi je peux vous aider, tout ça, il nous a amené limite devant notre train, quoi. Trop gentil. Et à Sasebo, ouais, il a fallu changer de train. Alors là, pour le coup, les gars... Sasebo, si tu n'es pas japonais, tu ne comprends rien. Il n'y a rien qui est en anglais. Rien. Mais alors vraiment rien. Et en plus, la machine n'est pas du tout intuitive, quoi, je trouve. Enfin, il n'était pas du tout intuitif, quoi, pour comprendre les trucs. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Tu sais, non, combien, tu sais. Combien de personnes voyagent ensuite et après. Oui, mais. Et même les horaires, enfin les lignes et tout, il n'y avait pas les noms des stations en anglais. Donc heureusement, on savait à peu près comment ça s'écrivait. Mais de là à être sûr de ne pas se planter, c'était pas facile. Mais il y a un monsieur, je crois que c'était un conducteur, non ? Il y avait le conducteur du train au début qui nous a dit d'attendre. Et ensuite, il y a un autre monsieur qui nous a dit... Il doit être l'autre conducteur d'en face, du train en face. Qui nous a dit qu'il fallait acheter les billets. On lui a montré notre carte de transport qu'on recharge. Et il nous a dit non, ça ne marchait pas. Donc, il fallait qu'on achète les billets. Il est allé chercher une collègue qui nous a aidés, qui parlait un peu anglais. Suffisamment pour qu'on comprenne qu'on pouvait ne pas faire aller-retour dans la même journée et qu'on était deux personnes et puis qu'on allait à tel endroit. En même temps, t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus de dialogue, donc ça suffisait. Tout à fait. Mais la machine, c'était impossible d'utiliser si tu comprends pas le japonais, quoi. Normalement, sur toutes les machines où t'achètes tes tickets, à la gare, il y a toujours un bouton pour mettre en anglais. Donc ça, en général, c'est plutôt pratique. Alors là, vraiment, on était un peu genre wow, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais toujours, voilà, trop gentil, quoi. En moins de 5 minutes, on avait 3 personnes qui étaient en train de s'occuper de nous. Et je pense pas... Je sais pas si cette ville en question est très touristique pour les Japonais, Irado. En tout cas, clairement, je pense pas du tout pour les Européens, quoi. Ouais. Bon, déjà parce que souvent les Européens visitent le Japon en 15 jours, 3 semaines maximum, et que c'est pas le genre d'endroit où tu vas, si tu veux faire les points un peu, tu vois, touristiques, quoi. Ouais, après, c'est pas non plus un point de passage. Tu fais un petit détour, quand même. Oui, c'est pour ça. Dans le train, il n'y avait pas de... C'était que des gens qui rentraient chez eux. Et... Alors que d'habitude, on a toujours des Européens qu'on croise. Après, pour les Japonais, de là, savoir s'ils sont touristes, pas touristes et tout. On sait que, a priori, les enfants qui sont en uniforme ne sont pas touristes. Mais les autres, c'est pas facile à savoir. On n'a pas dit que... Hirado, c'est au bord de la mer et qu'on est dans un petit port, en fait. Oui, tout à fait. On voit la mer. Donc, c'était un point stratégique pour les échanges commerciaux avec les Européens. Quand Et la Chine. Et la Chine, oui. Ça, je pense depuis un petit moment. Et c'est pour ça qu'il y avait le Portugal, les Pays-Bas qui étaient présents. novembre 2019. Joyeux anniversaire Clémence. Joyeux anniversaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On vous a pas raconté qu'on est arrivé à Nagasaki depuis 4 jours. Exactement. Nous sommes arrivés en train depuis les radeaux. Et là actuellement nous sommes au hall du mémorial pour la paix de Nagasaki. Alors on va pas refaire, on va pas faire le musée parce que Hiroshima nous a bien calmé quand même. On avait appris quand même pas mal de choses et que sur toute la partie où ils vont nous montrer des photos, des dessins, des objets et tout ça, c'est quand même assez difficile quoi. Donc je pense qu'on est assez conscient de l'horreur de la guerre et de la bombe atomique. On est assez sensibilisés même avant d'avoir fait Hiroshima, hein, d'ailleurs, globalement. Donc voilà. Donc, mais on s'est quand même dit qu'on allait visiter le parc et le hall. Donc on en est là. Oui. Et on s'est un petit peu baladé dans 2-3 quartiers de Nagasaki ces 4 derniers jours. Mais on a aussi travaillé, donc on n'a pas fait énormément de choses. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on voyage désormais. C'est que on est encore plus lent que d'habitude. Travaille le matin, on visite l'après-midi. C'est un petit peu à peu près ça notre... Enfin, on visite entre le déjeuner et 5 heures, quoi. Donc ça nous laisse un temps quand même un peu court. Ça nous suffit pour voir des trucs. Ouais. Et... Oui, sur le papier, Nagasaki avait l'air d'être une ville hyper chouette. Bon, nous, c'est pas une ville désagréable, hein, mais c'est pas celle qu'on a préférée depuis qu'on visite le Japon. On est pour une ville qui a été refaite à neuf depuis 60 ans, 70 ans, ça passe vite. Pour le coup, Hiroshima, je trouvais que c'était hyper agréable. Je saurais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est difficile, mais tu le sens quand t'arrives, quoi. On a traversé la ville pour aller à notre hostel, et tout de suite, c'était pas la même... on a pas ressenti la même chose, voilà. Ouais, c'est pas la même atmosphère. Donc bon, on avait ça avait 5 nuits, donc on y reste quand même. Et puis il fallait qu'on planifie un peu aussi les prochaines étapes, parce que ça fait quand même un mois qu'on est au Japon, il nous en reste plus tant que ça, du temps, malgré tout. Et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on voulait faire, donc on a un peu essayé de... Voilà, pas d'organiser, parce que bon, on n'y arrive pas à ça, mais au moins essayer de voir un peu ce qu'on avait envie ou pas de faire. Alors bon, à creuser un peu, mais ils ont l'air de dire que toute la ville a été réduite à néant par la bombe, mais en fait, pas tant que ça, moins qu'Hiroshima, j'ai l'impression, notamment parce que c'est une ville beaucoup plus étendue, donc il y a, à mon avis, autour de l'épicentre, oui, enfin de l'hypocentre, oui, ça a été hyper violent, mais genre là où nous on est, il y a notamment des quartiers qui datent du début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle, avec le commerce international, qui n'ont pas été détruits. Donc, voilà. Bon, c'est une ville portuaire. On est sur la partie où il y avait, historiquement, depuis le XVIe siècle, des échanges avec l'Europe, notamment les Hollandais et les Anglais. Et les Portugais. Et les Portugais. Et donc, c'était un endroit très stratégique qui l'est, à mon avis, encore aujourd'hui. Oui, sûrement, d'un point de vue... Parce que ça se voit qu'il y a de l'activité, quoi. Oui, ça bouge plus, je pense, qu'Hiroshima. Mais il y a notamment des endroits où on peut visiter des anciens hangars pour construire des bateaux, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est une grosse ville. Donc comme on n'a pas ressenti une ambiance incroyable, du coup c'est vrai que ça ne motive pas tellement à visiter le truc, donc on vit tranquillement quoi. Ouais, enfin, on se balade tranquillement. On va aller en haut du point de vue pour le coucher du soleil, bah, c'est joli. Qui est quand même le troisième plus beau point de vue du monde, la nuit. Alors ? Après, Monaco et je sais plus quoi. Bon, j'ai jamais vu Monaco. Enfin, peut-être l'Empire State Building, non ? Non, c'est un... Non, je sais plus. D'accord. Donc voilà, c'est une grande fontaine, comme vous avez pu entendre, le bruit de l'eau. Pour rappeler, enfin pour se souvenir des victimes qui ont appelé pour avoir de l'eau. Oui, qui cherchaient de l'eau à tout prix. Oui, parce que je sais pas si on a raconté ça quand on était à Hiroshima, mais il y avait une croyance populaire qui était qu'il ne fallait pas donner de l'eau aux brûlés. Et donc en fait, il y a énormément de gens qui sont morts. Alors bon, peut-être qu'ils seraient quand même morts, hein, on sait pas trop, mais en tout cas, qui n'ont pas été soulagés de la soif qu'ils avaient due à leur brûlure et tout ça. Parce que, bah, notamment, les mamans ne voulaient pas donner d'eau à leurs enfants. Enfin voilà, c'est assez fou quoi. Donc. Et du coup, beaucoup de gens qui ensuite ont été hyper. Qui ont un fort sentiment de culpabilité quand ils ont compris qu'en fait c'était faux, enfin cette croyance était fausse, et que du coup ils avaient laissé leurs proches mourir sans avoir apaisé au moins leur dernière souffrance quoi. Ce que je peux comprendre, ça doit être un peu difficile.